Nous allons commencer ensemble notre temps d'étude. Et nous allons continuer notre étude dans cette partie de l'Évangile de Matthieu qu'on appelle le Sermon sur la montagne, le chapitre 5, 6 et 7. Et on va aller un peu plus loin dans notre compréhension de ce que Jésus dit, comment les choses vont se passer, comment les choses vont se vivre dans le royaume que lui est en train d'installer. Et ceux qui veulent y entrer dans ce royaume-là doivent désirer ou accepter de vouloir vivre ainsi. Ça ne donne rien de vouloir aller au ciel, entre guillemets, si on ne veut pas vivre selon les règles du ciel. Je me souviens, une fois, je faisais du vélo avec un homme, et le soir, on était arrêté, on avait, après souper, on a commencé à jaser, puis c'est venu sur le sujet de la parole de Dieu. Puis il dit, comme ça, toi, François, tu penses que je n'irai pas au ciel quand je vais mourir? J'ai dit, je pense pas, je suis sûr. Puis j'ai dit, je peux-tu te dire une chose? J'ai dit, pourquoi est-ce que tu serais intéressé à aller au ciel, mais tu meurs, quand tu n'es pas intéressé maintenant à Dieu? Tu n'es pas intéressé aujourd'hui à Dieu. Tu ne veux rien savoir de lui, tu ne t'intéresses pas à lui. Tu dis, il ne parle pas, il ne parle pas, puis tu le traites de menteur, puis ce qu'il a dit, tu ne veux pas le croire, mais tu meurs, tu vas aller au ciel. Tu ne trouves pas ça illogique? Il dit oui. Il dit oui. Il dit, franchement, je vais t'obliger de dire oui. C'est illogique. Pourquoi vouloir entrer dans le royaume si on ne veut pas vivre selon les règles du royaume? Ça n'a pas de sens. Ça ne fera pas de sens. Donc Jésus, lui-même, tout au long de son ministère, Jésus, le genre, était très, très honnête, très franc, très transparent avec les gens qui le suivaient. À tout bout de champ, il leur disait, arrêtez-vous, calculez le prix, sachez dans quoi vous embarquez si vous voulez me suivre. Il les avertissait, les gens. Il leur disait qu'est-ce que c'était, la vie chrétienne. Parce qu'il ne voulait pas que les gens fassent des décisions et qu'ils arrêtent après. Souvenez-vous d'une histoire qu'il a contée là-dessus, une fois qu'il a dit... Il a dit quelque chose qui disait comme « Calcule le prix avant de bâtir la maison. » Parce que si tu commences à bâtir et que tu arrêtes parce que tu n'as pas assez d'argent pour la finir, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tes voisins vont faire quoi? Jésus! Tu n'as pas calculé le prix avant? Tu n'as pas compté? Tu n'as pas demandé à ton comptable de te dire comment ça coûterait bâtir la maison? Tu as fait un beau gros sous-sol, tu as fait des murs, puis là, tu n'as pas de toit. Tu ne peux pas rester dedans. À quoi ça t'a servi d'avoir commencé et de ne pas terminer? Jésus le rappelait, souvent il disait à la foule, calculez le prix, réfléchissez bien, arrêtez-vous. Je vous encourage, et je m'encourage personnellement, quand vous faites l'évangélisation, ne vous pressez pas de faire embarquer les gens dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Prenez votre temps. On voudrait toujours qu'ils fassent profession de foi ou qu'ils démontrent leur foi tout de suite quand on parle. Laissez-les le temps de réfléchir et de compter le prix. Et j'ai vu tellement de gens dans ma vie faire des professions de foi et ça ne dure pas longtemps. Parce qu'ils n'avaient pas compris dans quoi ils s'embarquaient. Ils avaient juste été comme stimulés à faire « Oui, je veux aller au ciel quand je veux. » Ils n'avaient pas compris c'était quoi la vie chrétienne. Jésus ici, dans ce sermon de Matthieu, c'est moi sur la montagne. On ne sait pas comment ça a pris de temps. C'est-tu 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Il a prêché. Il en a dit des affaires. Il a dit aux gens « Calculez, pensez-y bien avant de vous embarquer dans mon affaire. » Pour que ce soit quelque chose qui va être, quand on va dire oui à Dieu, qu'on va comprendre dans quoi on s'embarque avec lui. Et quand il a commencé à parler du sermon sur la montagne, il a commencé à leur dire que dans le royaume, ça va être différent. La première chose qu'il va leur dire, qui confronte depuis 2000 ans, ça confronte toutes les religions du monde, ce n'est pas la performance religieuse qui compte. C'est l'humilité qui compte. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il va parler. Et ce matin, si on a le temps de terminer, on va dire à la fin, le mot qui va résumer tout le sermon sur la montagne, c'est l'humilité qu'il veut. Il veut que l'être humain se voit humble dans sa position. sa voix humble. Et tout au long de la montagne, il va parler de ça. Et c'est vraiment une façon de vivre. La deuxième chose qu'il va dire, dans le royaume des cieux, tu ne vas pas vivre pour toi, tu vas vivre pour quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux vivre pour la gloire de quelqu'un d'autre, il faut que toi, tu sois humble et que tu parles de quelqu'un d'autre et que tu fasses voir quelqu'un d'autre devant toi. C'est pas, tu ne te présentes pas, tu présentes quelqu'un d'autre. Il a dit aussi que il va une nouvelle façon de faire, c'est tu ne fais pas les choses pour être vu des hommes, mais tu vas faire les choses pour être vu de Dieu. C'est qu'il va parler en secret, en secret, en secret. Vis ta vie chrétienne pour Dieu et non pas pour les gens qui t'entourent. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes gens qui vont décrocher à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils vont partir des églises parce qu'ils ont pratiqué leur foi longtemps parce que ce que les parents étaient avec eux autres. Ils faisaient ça pour leurs parents. Et tout d'un coup, quand ils deviennent assez vieux, puis ils deviennent assez autonomes, émotionnellement, psychologiquement, ils quittent les églises. Au Québec, c'est, on pense, on croit, on dit, statistiquement parlant, c'est 85 à 90 % des jeunes qui partent, qui ne reviennent jamais dans les églises. Mais pourtant, ils sont allés pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils le faisaient pour être vus des hommes. Être vus des hommes. Et ensuite, on a vu la semaine passée, c'était une nouvelle façon de voir l'avenir. Dans le royaume des cieux, on ne s'inquiète pas. Dans le royaume des cieux, on fait confiance. On fait confiance. Il dit, ne t'inquiète pas pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Je prends soin de toi. Toi, cherche le royaume de Dieu. Moi, je m'occupe de toi. On a vu ensemble qu'il n'était pas en train de dire, voici, ça c'est le BS spirituel. C'est pour ça qu'il parle. Il ne parle pas d'un assurance chômage où on s'assit et on ne fait plus rien. C'est pour ça qu'il parle. Les chrétiens sont très à l'œuvre. Si on lit les Actes des Apôtres, vous allez voir comment ils sont à l'œuvre. Ils fonctionnent, ils travaillent, ils bougent et sont repris dans une épître, plus précisément, que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, il faut que tu sois à l'œuvre. Les chrétiens ne sont pas des gens appelés à se laisser vivre par Dieu. Non, non, ils sont très appliqués. Mais il dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais prendre soin de toi. Et ce matin, on arrive au chapitre 7, et on va voir ensemble une nouvelle chose qui va nous transporter, je pourrais dire, dans le royaume de Dieu, parce que sur la terre, ce n'est pas ça qui se passe, un peu du tout. Mais Jésus dit, dans le royaume, il s'en vient, c'est vrai, on va vivre autrement. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Dans le royaume des cieux, on ne juge pas les autres en premier. Est-ce que vous avez jugé quelqu'un cette semaine? Le mot juger ici, c'est condamner. Hein? Ce n'est pas juste évaluer ce que la personne a dit. Là, parce que évaluer, c'est correct. Là. Tu m'offres quelque chose, puis je dis, quelqu'un me dit que non, je ne crois pas que c'est la vérité. Je vais analyser ce que tu me dis. Mais juger, c'est dans le passage, c'est condamner. Est-ce que tu le fais cette semaine? Fais attention à ce que tu vas dire, même ce que tu vas penser. Parce que le Seigneur voit tout notre cœur. C'est donc facile pour nous de faire ça. On le fait en conjoint. On le fait avec nos enfants. On le fait avec... nos enfants le font envers nous, si on a déjà essayé pour comprendre ce qui se passe. On le fait avec les gens qui nous entourent, avec nos voisins. On condamne leurs gestes, leurs paroles, leurs actions. Et tout cela est poussé par l'orgueil et l'hypocrisie. On juge et on condamne. L'as-tu vu, toi? As-tu vu ça, ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'il a dit? Une espèce de... Puis là, on part, mais on va pas s'en va. Moi, j'ai été élevé, chez nous, ma mère, elle disait souvent ceci. La moitié du monde part de l'autre moitié du monde. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans la société. C'est vrai, hein? C'est vrai. Si vous prenez la moitié du monde qui arrêtait de parler de l'autre moitié, ça arrêterait. Mais on parle les uns des autres. On le voit à la télévision, on entend parler, puis même on se plaît. On se plaît de regarder des émissions, des affaires qui font juste parler contre les autres. On s'assied et on écoute ça. On trouve ça pas pire. On trouve ça intéressant. On fait ça. Là, on s'amuse à regarder ça. Hein? Puis, vous avez vu, probablement, dans nos, quand on fait nos dirigeants de pays, de politique, qu'est-ce qu'ils font quand ils font une campagne de politique? Ils jugent puis condamnent l'autre, toutes les autres parties. S'il y a 5 parties, lui, c'était comme ci, puis lui, c'était comme ça, puis lui, il tient pas sa parole, puis lui, c'est un menteur, puis lui, c'est un voleur, puis lui, c'est un ci, puis là, mon gars, on blasse tout le monde. Et Jésus dit, ne jugez pas, ne condamnez pas. Et que c'est dur pour nous autres de faire ça. Et je dirais même que c'est impossible à l'être humain de ne pas le faire. Il n'est pas capable d'arrêter. Il n'est pas capable. Il essaye, là, mais il n'y arrive pas. Jésus dit, si tu le fais, il y a une chose qui va arriver, c'est sûr. Si tu juges quelqu'un ou tu le condamnes, sois bien certain que l'autre va te retourner l'appareil. D'ici, vous jugez, vous serez jugé aussi. Tu es sûr et certain. C'est sûr et certain. Si tu me condamnes, sois bien certain qu'avec le temps, je vais te condamner aussi. C'est impossible de faire le contraire. On le fait. Et on réagit à ce que l'autre nous a fait. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Il dit, on va vous juger avec la même mesure. Vous savez, c'est quoi une mesure? C'est quoi une mesure? C'est une tasse à mesurer. Hein? Les tasses à mesurer qu'on a aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était une mesure. C'était un langage. On avait des mesures. Mettons ça, t'arrivais au marché dans ce temps-là, tu avais une mesure d'un livre. Prenait un livre de grains, puis on te mettait dans un sac, puis on te donnait là. C'est une mesure. On mesurait ce que tu achetais. On fait la mesure. Comme si vous alliez dans les petits marchés aujourd'hui, on fait encore ça. Et on dit, on va te mesurer et on va t'en donner un peu plus que tu lui as donné. Si tu m'as jugé avec une telle sévérité, je vais te juger et je vais te juger plus sévère que tu m'as jugé moi. On en met toujours un petit peu plus. Tu m'as jugé, tu m'as donné une note de 8 sur 10. Moi, je vais te juger, puis je vais te donner une note de 9 sur 10. Je vais toujours te juger plus sévèrement. C'est pour ça que ça fait une escalade. Vous remarquerez ça? Ça fait une escalade. Dans les maisons, dans les églises, dans les gouvernements. Si tu me juges et tu me condamnes, l'autre te juge et te condamne un petit peu plus fort. Toi, tu veux le juger, tu veux le condamner un petit peu plus fort. Et là, ça continue, ça monte, jusqu'à temps que ça explose. Ça explose. Ça n'arrête pas. Ça finit en guerre, ça finit en chicane, ça finit en divorce, ça finit en meurtre des fois. Ça finit comme ça parce que ça n'arrête pas. On se condamne. Mais Jésus nous dit par après, il ne dit pas de ne pas juger. Il dit, si tu veux juger, commence par toi-même. Juge-toi toi-même en premier. Vous remarquez que nos péchés sont toujours moins gros que ceux des autres. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on enlève nos lunettes quand on se regarde dans le miroir. Ah ouais, c'est pas pire. Quand on juge les autres, on met nos lunettes. Ah, ben là, ça, c'est terrible. Je pense qu'on fait ça. Il dit, on voit dans l'œil de l'autre une petite paille, un grain de paille. C'est pas une paille, là, pas une paille pour boire un Pepsi, là. C'est ça qu'on parle. C'est pas une paille à manger de main. c'est que, vous savez ce que c'est que ça représente? On battait au grain dans ce temps-là. Il y avait des airs on mettait le grain là, avec la paille. Puis là, on faisait ça avec des bâtons ou on faisait marcher des animaux dessus. Et là, on détachait le grain d'avoine, le grain de blé du restant. Mais à force de frapper dessus et à se promener dessus, la paille qui est sec, cassait tout en petits morceaux. Et là, pour enlever la paille du grain, qu'est-ce qu'on faisait? On avait des airs. Le vent emmenait ce qui était léger dans tous les petits grains de paille. Puis le grain, il retombait à terre. À force de le faire pendant toute la journée, à la fin de la journée, qu'est-ce qui restait à terre? Juste les grains, la paille était partie. C'est ça qui fait. Ces petites poussières de paille-là, ça revole dans les yeux, ça, parce que ça fait une petite graine dans l'œil. Et Jésus dit, tu vois la petite graine que dans l'œil de ton frère, dans la graine de ta sœur, tu le vois. Mais tu ne vois pas, quoi? La poutre, le 2 par 4, ou le 12 par 12. Pour moi, une poutre, j'en ai des poutres chez nous à la maison, c'est du 12 par 12. Chez nous, on appelle ça une poutre. On va dire 2 par 4, ça suffit. Mais il dit, tu ne vois pas le 2 par 4 ou la poutre que tu as dans ton œil à toi. C'est bizarre, hein? L'être humain, à cause du péché, se regarde dans le miroir et il ne voit pas la réalité. Il se regarde, puis il est bien honnête, là. Mais il n'y a rien là. Il n'y en a pas, poutre. Je ne la vois pas. Jésus dit, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est pour ça que la plupart des gens vont dire, moi, je suis un bon gars. Je ne fais pas de mal à personne. C'est ça qu'on dit, hein? On se regarde dans le miroir, puis on se croit Dieu comme fer, qu'on n'est pas si pire, dans le fond. Et la preuve, toutes les religions du monde essayent d'être assez bons par leur performance pour que Dieu les accepte. Donc, ils se croient assez bons pour vivre une vie assez acceptable pour que Dieu les accepte. Mais Jésus dit, « T'as une poutre dans ton œil. » Moi, il dit, je ne te dis pas de ne pas enlever la peur, mais enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et quand tu vas avoir enlevé la poutre qui est dans ton œil, tu vas pouvoir aller aider ton frère qui a une petite peur dedans. Parce que, essaye pas d'enlever ma peur, si tu as une poutre, tu vas me crever deux yeux. Tu vas me crever deux yeux à moi, là. Si tu essaies d'aller te fouiller dans les yeux, pendant que toi, tes deux yeux à moi sont fermés. Parce que tu as une poutre dans l'œil. C'est drôle l'image qu'il donne, hein? Tu vois un gars qui est comme ça, un petit peu, assez d'enlever la petite cochonnerie. L'autre, il arrive avec son gros morceau de bois, puis... Elle va t'aider, moi, là! Bouge pas, va t'aider, là! Le gars qui a la petite graine, lui, tout ce qu'il va faire, c'est fuir. Hein? Parce que tu vas venir avec tes grosses mains, puis ta grosse poutre dans ton œil, puis tu dis, espèce de malade! Là, Jésus, il dit quoi? Juge-toi toi-même et enlève la poutre de ton œil. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je peux enlever ce que je ne vois pas? Jésus dit, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Mais pourtant, il nous dit, enlève la poutre de ton œil. Ensuite, tu iras aider ton frère, ou ta soeur, ou ton voisin, ou ta femme, ou tes enfants. Tu iras les aider à enlever la paille que dans leur œil. Je vous dis, la question que j'ai posée au Seigneur, c'est comment est-ce que je peux enlever la poutre si je ne la vois pas? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ma compréhension de ce texte-là, c'est ceci. Même si je ne la vois pas, il faut que je croie qu'elle est là, parce que Jésus l'a dit. Il faut que je croie qu'elle est là, parce que Jésus l'a dit. Jésus dit, je sais que tu ne la vois pas, François. Mais il dit, il va falloir que tu me crois. Elle est là. C'est comme un peu le dentiste ou le médecin chirurgien qui dit, François, tu as un problème à l'intérieur, il faut que je te coupe. Je peux aller voir ça, là. J'ai enlevé une petite cochonnerie qu'elle a. Je la vois pas, moi, la petite cochonnerie qu'elle a, là. Une fois, ils m'ont coupé comme ça. Puis ils m'ont dit deux ans après qu'elle n'a pas dû. Ils s'étaient trompés. Ben, ils m'ont coupé pareil. Là, ils voulaient me recouper une deuxième fois. J'ai laissé faire une deuxième fois. Parce que j'avais assez de mal qu'à un moment donné, tu fais confiance à quelqu'un. Je ne la vois pas, la bébite, à l'intérieur, je ne vois pas, mais je te fais confiance. Le deuxième coup, c'était correct. Là, ils l'ont enlevé. Ça a marché. Jésus dit, tu as une poutre dans ton œil, je sais que tu ne la vois pas, mais crois-moi, tu en as une. Enlève-la. Et ensuite, tu vas pouvoir aider les autres. Et l'autre question qu'il fait, c'est quoi? Il faut demander à celui qui m'a dit, enlève la poutre que tu as dans ton œil, crois-moi, même si tu ne le vois pas, il faut que je lui pose la question à lui, une deuxième question, comment je fais pour l'enlever si je ne la vois pas? C'est pas juste que je dois croire qu'elle est là, même si je ne la vois pas, c'est comment je vais l'enlever, même si je ne la vois pas, comment je vais faire? Et c'est là qu'il vient notre chose qu'on a dit depuis le commencement, notre principe, c'est Seigneur, enlève la poutre qui est dans mon œil, si toi tu la vois. Comment est-ce que je peux faire pour enlever la poutre? Le Seigneur va dire à la fin du chapitre 7, ce que vous voulez, demandez-le, je vais le faire pour vous. Demandez-le. Frappez, je vais ouvrir. Demande-le, je vais le faire. Nous, on a pris ça tout de suite pour nos bébelles là, qu'on veut avoir. Oh, Seigneur, je veux ci. Oh, Seigneur, je veux. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Tu la vois pas, ta poutre. Maintenant, tu crois-tu que t'en as une? T'es pas capable d'enlever? Demande-moi-le, je vais enlever ta poutre. Ensuite, tu vas pouvoir aider les autres à enlever leur paille. Parce que je vais vous dire une petite quelque chose. Aussi longtemps que tu vas me regarder, la chose la plus grosse que tu vas voir, c'est une petite paille. Tu ne peux pas voir ma poutre, je ne peux pas voir la tienne non plus. Il y en a juste un qui voit la poutre, c'est celui qui, tu nous le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une poutre dans votre œil, la gang, et vous ne la voyez pas. Me croyez-vous quand je vous dis qu'il y en a une? Je me souviens toujours d'un homme que j'avais rencontré, il avait donné son témoignage, puis il avait dit, quand quelqu'un m'a dit que j'étais un pécheur, qu'il m'a monté dans la Bible que j'étais un pécheur, j'avais bien de la misère à voir que j'étais un pécheur, mais vu que la parole de Dieu a dit que j'étais un pécheur, j'ai accepté le fait que j'étais un pécheur. C'est une bonne attitude, hein? Je ne le vois pas. Mais la Bible me dit que j'en suis un pécheur et que je mérite d'être puni ou châtié par Dieu pour l'éternité. Je vais le croire, même si je ne le sens pas. Mais il y a un fait qui est là. Dieu a dit que j'étais comme ça. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. Que je le sente, que je ne le sens pas, que je le vois, que je ne le vois pas. Dieu a dit que c'était ça et je le crois. Comme il nous a dit qu'il y avait un enfer, on ne l'a jamais vu, on le croit. Il a dit qu'il y a une place que lui est présentement avec tout les... On ne sait pas, on le croit, on ne l'a jamais vu. Les chrétiens, c'est une gang de monde qui marche et qui n'ont jamais rien vu, dans le fond. On marche par la foi. Il dit, mais quand tu vas m'avoir demandé d'enlever ta poutre et que je vais l'avoir enlevée, j'appelle ça le salut, la conversion. Hein? C'est pas pour... Je vous l'ai dit. Ça, c'est pas pour comment vivre dans le royaume des cieux. C'est pour entrer, là. Un coup qu'il m'a enlevé ma poutre, et là que je vois la réalité, je peux aller voir quelqu'un qui a une paille dans son œil, puis dire, « Hey, je sais comment faire pour t'aider. Je vais t'emmener voir quelqu'un qui lui peut enlever ta paille ou ta poutre dans ton œil. » C'est ça la manière d'aider. C'est pas comme moi, je vais commencer à te fouiller des yeux et t'enlever ta paille. Je vais t'emmener voir quelqu'un qui est capable de t'aider à enlever ta poutre, parce que tu as une poutre aussi. Mais toi non plus, tu n'en vois pas. Mais je vais t'emmener à cette personne-là. C'est la seule façon de comprendre mes textes ici. À ma façon de voir. Il dit, tu ne le vois pas? Crois-le, tu n'as une foutue poutre dans ton œil. Mais viens et demande-moi, je vais t'enlever ta poutre. Et ensuite, quand je vais l'avoir enlevé, tu vas pouvoir aller enlever celui des autres. Mais tu vas être pas mal plus compréhensif. Je vous garantis, plus tu vas te voir pécheur, moins tu vas être sévère envers les autres. Plus vous êtes un chialeux, plus vous êtes un condamné, plus vous êtes un critiqueux, plus vous êtes quelqu'un qui juge, c'est parce que vous voyez tellement meilleur que les autres. C'est ça la seule raison pour ça. Plus je me sens mieux que toi, plus je vais te condamner. Parce que je suis là, peut-être en bas, je vais te condamner. Mais si je me vois là, puis je te vois là, toi, c'est toi la condamnée, ça? Je te vois meilleur que je suis, mettons. Je ne te condamnerai pas. Ben oui, je ne suis pas un très bon ouvrier, mais lui, il est meilleur. Il n'est pas parfait, mais il est meilleur que moi. En tout cas, moi, je vois des gars, des fois, qui ne sont pas très bons en mécanique, mais ils sont bien meilleurs que moi. Je les laisse fouiller dans mon char. Ils sont meilleurs que moi. Ils sont pas parfaits. Mais je ne les critique pas. J'ai engagé quelqu'un l'année passée pour faire mon toit de maison. Un ouvrier d'expérience. Je n'ai pas chialé une seconde pendant qu'il était sur le toit avec moi. Pourquoi? Il connaît ça mille fois plus que moi. Je n'étais pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais quand il disait, François, on va faire ça comme ça. Oui. On va enlever ça. Oui. Pourquoi? Il connaît ça. Moi, je l'ai demandé pour m'aider. Pas chialer après lui. Plus on se voit meilleur que les autres, plus on les critique. Non, les chrétiens. Mais si on se verrait au moins au même niveau, on devient plus compatissant, plus compréhensif de l'autre, parce que l'autre a de la misère, mais je sais bien que j'ai de la misère aussi. Il y avait un homme qui avait prêché une fois, il disait, coupe pas les ponts sur lesquels tu as besoin de passer, espèce d'idiot. Il avait prêché ça comme ça. Parce qu'il dit, si tu coupes le pont de la compassion, tu vas avoir besoin de compassion, puis le pont est coupé. Pas le couper. Il dit, comprends l'autre, vois-le à même niveau que toi. C'est pour ça qu'il va dire à la fin, au verset 6, ce verset-là, des fois, nous donne de la misère. Il dit, donnez pas vos choses saintes aux pourceaux ou aux cochons. Il avait un vieux dicton, quand j'étais jeune, mon père dit, venez à manger un cochon, il va venir chier sur votre père. Vous avez entendu ça? Dès que tu as un vieux dicton que tu vas taire. Il dit, si tu vas vers quelqu'un, ça c'est ma compréhension à moi du verset. Si vous en avez un autre, c'est correct, moi c'est ma compréhension à moi. Si tu vas essayer d'enlever ma part pendant que tu as ta poutre, même si ce que tu me dis est vrai, je ne vais pas l'accepter. Je vais me revirer contre toi plutôt que je vais te faire du tort. Avez-vous déjà des gens qui sont venus vous essayer de vous aider? Que vous les percevez étant pire que vous ou comme vous, qu'est-ce que vous faites? Parle pas, toi, hein, en plus de ça, toi, regarde comment il était, regarde comment il était avant. Parce que vous percevez que l'autre qui vient vous dire de changer, il n'est pas mieux que vous autres, il est peut-être même pire que vous autres. Et là, vous n'acceptez pas sa réprimande, ou sa correction, ou son avertissement. Et c'est ça que j'ai découvert avec mes propres enfants, qui ont commencé à pogner 14, 15, 16, 17, 18 ans. Ils ont commencé à comprendre qui était leur père. Là, ils ont dit, ils ont dit, tu nous demandes un paquet d'affaires que tu ne fais pas toi-même. Jésus dit, si vous essayez d'enlever la paille des autres sans avoir enlevé votre poutre en premier, c'est comme... ça devient comme une insulte pour les gens autour de vous. Et faisons attention, frères et sœurs. Quand vous allez annoncer l'Évangile, faites bien attention de ne pas laisser paraître aux gens que vous êtes meilleurs qu'eux autres. Ils vont vous mordre au lieu de vous accepter. S'ils perçoivent que vous les approchez avec condescendance, pensant... Ils vont percevoir que vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux autres. Ils vont vous rejeter tout le temps. C'est une question de temps, ils vont vous rejeter. Ils vont vous rejeter. Et c'est une des grandes raisons que la société rejette l'Église dans le monde. L'Église veut laisser paraître au monde que les meilleurs sont plus saints, plus parfaits qu'eux autres, sont moins pécheurs qu'eux autres. Et là, si on le malheur, entre guillemets, de venir à l'Église, ils s'aperçoivent que ne sont pas si parfaits, les chrétiens. Ils ne sont pas si parfaits que ça, les chrétiens. Je me souviens à Rouen, une fois, j'ai chanté d'annoncer l'Évangile à un homme. Il dit, pauvre toi! Il dit, vous avez trois ou quatre églises ici en ville, puis vous n'êtes même pas capable de vous entendre entre vous autres, vous vous chicanez, puis vous divisez. Il dit, belle gang, la gang. Il dit, vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, vous n'êtes même pas capable de vous entendre entre vous autres. Voyez-vous la réaction? J'ai dit, t'as bien raison. T'as raison. Je n'ai pas meilleur que vous autres. Je ne sais pas qui t'a fait croire ça. Je ne sais pas qui t'a fait coller que dans les églises, ça allait mieux qu'ailleurs. Qui t'a conté ce mentir-là? Quand je rentre à l'hôpital, mes frères et sœurs, là, hein, je ne pense plus d'avoir du monde incivière, moi. Je ne pense plus de pente. Je m'en vais à l'hôpital. Si je m'en irais au gym, là, j'aurais des problèmes. Si je verrais un paquet de civières dans le gym, qu'est-ce qu'ils font ici, les autres, la gang? Mais dans un hôpital, des gens les pattes dans les airs, puis des gens avec les bras cassés, des gens qui se lamentent, puis ils ont mal partout. Je ne suis pas surpris, je suis rentré à l'hôpital. J'ai dit, l'église, c'est comme un hôpital spirituel. Les gens qui sont là-dedans, c'est une gang de malades. On fait juste essayer de s'entraider à garder la foi jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher et qu'il nous sorte de l'hôpital, finalement. Juste ça. C'est une gang de personnes qui ont des difficultés. Nomme le péché, il est dans l'église. Il est là. Vous dites, nommez n'importe quel péché, vous allez le trouver dans l'église. Il est toujours là. Mais on le sait qu'il est là. On l'accepte qu'il est là. On comprend qu'il est là. Et on l'avoue qu'il est là. Et on dit, grâce au Seigneur, il nous a pardonné. Et il veut nous emmener avec lui quand même. Il veut nous faire partager son éternité malgré tous ses péchés. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on a besoin de dire aux gens. Et quand ils vont venir dans l'église, ils ne sont pas surpris. Ils sont allés à l'hôpital. Vous avez déjà entendu dire, le pasteur, le gars qui parle, il parle à un homme, puis l'homme il dit, « C'est une gang d'hypocrite, t'es chrétien, c'est une gang d'hypocrite! » Mais le pasteur répond quoi? « Ben oui, il y a de la place pour un autre, viens avec nous autres! » Il y a encore de la place, viens-t'en! On a prendre un autre hypocrite. Il n'y a pas assez de dire, « Non, c'est pas vrai, on est du bon monde, on s'aime dans l'église, on est correct. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. La réalité, c'est des gens qui ont des difficultés. On sait qu'on a des difficultés. Et on est là, puis on essaie de s'entraider à garder la foi, s'encourager, se réconforter, et se stimuler les uns les autres à continuer dans notre marche dans la foi avec le Seigneur. Quand l'apôtre est enlevé, on se voit mieux personnellement, mais on ne se voit pas tel qu'on est. Je suis convaincu que vous ne voyez pas tel que vous êtes encore, moi non plus. Il y a juste Jésus qui voit notre cœur tel qu'il est vraiment. Notre cœur de chair, on pourrait dire, hein, encore. Mais ne nous jugeons pas ou ne jugeons pas les autres plus sévèrement qu'on se juge soi-même. Ne jugeons pas ça. Vous êtes des pécheurs qui avez des difficultés, j'en suis un aussi. Quand vous venez pour reprendre quelqu'un, là, arrêtons-nous, regardons-nous, disons, est-ce que toi tu l'as déjà fait, ça, François? Ça baisse là. La vapeur baisse un petit peu. Des fois, quand ma femme a fait des affaires là, que j'aime pas, là, on en fait. Je veux les utiliser, ça m'en fait. J'en fais aussi. Là, là je me dis, François, tu l'as-tu déjà fait, toi, ça, à ta femme? Oui. Bon. J'ai oublié de m'arrêter, de m'asseoir, de dire, j'ai déjà fait ça aussi. Ouais. Est-ce que toi, François, tu fais tout passer ta femme toujours en premier? Non, tu es obligé de dire non. C'est la vérité. Donc là, automatiquement, ça fait baisser la vapeur. Ça nous met à une position plus égale à égale. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas ce que je pense, mais ça change le ton en bébite. Ça change le ton. Et l'approche est pas mal moins rude, pas mal moins dure, parce que si je veux me plaindre qu'elle m'a conté un mensonge, et que je m'arrête et je dis j'en ai compté 5 la semaine passée, ben, je suis plus porté d'être compatissant, un peu moins dur avec elle, parce que je n'ai jamais compté à son passé. Donc, ça devient plus équitable là, dans ce sens-là. Donc, c'est ça qui nous a aidé à mieux vivre les uns avec les autres sans se juger ou se condamner pour des choses que nous-mêmes on fait. Et Jésus dit à quelque part, il dit, « Toi qui condamnes les autres, tu te condamnes toi-même parce que tu fais la même chose. si tu me dis un péché, si tu viens me voir et tu dis, François, tu as un péché dans ta vie, je suis convaincu que tu as le même péché que moi. Mais tu ne l'exprimes peut-être pas de la même façon que moi, mais tu as le même péché que moi. Si tu viens me dire que je suis un orgueilleux, je n'ai pas de misère à croire que tu en es un aussi. Si tu viens me dire, François, tu étais un hypocrite, je vais dire, ah ouais, et toi aussi, tu en es un. On pourrait dire ça, ça sera toujours vrai. Mais pas de la même manière. Si François, tu as continué de mentir, je pourrais te regarder dans les yeux et te dire, tu n'en comptes jamais, toi? Hein? Puis tu t'es envie de me dire, oui, ça m'arrive d'en compter aussi. On n'est pas à l'abri. Les péchés, on les fait tous. Là. Moi, l'homme, les 10 commandements de Dieu, François, les manque, toutes les 10. Toutes les 10. Il n'y en a pas un que je suis meilleur que toi dans le 5e, puis toi, tu es meilleur que moi dans le 7e, puis moi, je suis moins pire que toi dans le 9e. Ben non. On les manque toute la gang, toutes les 10. Donc, pourquoi est-ce qu'on se juge si sévèrement et qu'on se condamne si facilement les uns les autres? Rappelons-nous ça. Rappelons-nous que Jésus a enlevé notre paille et de faisons attention à ça. Chapitre, verset 15. Une autre vérité. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc, dans le royaume des cieux, il dit, faites attention aux faux prophètes. Il dit, faites attention aux faux prophètes de savoir qui vous dit la vérité ou qui ne vous dit pas la vérité. Parce que si vous ne savez pas discerner le faux prophète du vrai prophète, vous allez être entraîné en dehors du royaume des cieux. Vous me suivez dans le raisonnement? Si vous n'avez pas discerné le vrai du faux, ou celui qui vous prêche l'évangile, mettons, est-ce qu'il vous prêche la vraie évangile ou une fausse évangile? Comment est-ce que je peux savoir la vraie église de la fausse église? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est en bas le matin? Comment vous faites pour savoir que l'église baptiste est en bas? Vous avez votre petite méthode à vous peut-être? Un petit test. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir laquelle est la bonne? Parce qu'il n'y a pas qu'une église, hein? Il y en a des dizaines, des centaines de sortes qui se disent toutes qui sont de Dieu, qui se disent toutes qui sont de l'Évangile, qui disent toutes qui ont la Bible comme fondement, qui sont toutes vraies. Puis c'est pas facile, là. Jésus dit une réponse. On ne cueille pas de bons fruits sur un mauvais arbre. Et on ne cueille pas de mauvais fruits sur un bon arbre. Quand j'ai un pommier devant moi, normalement, il va sortir des pommes. S'il sort des poires, c'est pas un pommier. Il a bien beau dire ce que tu veux, tu vas bien crier fort comme tu voudras, mais c'est pas un pommier, c'est un poirier. La question qu'on devrait se poser ce matin ici, on comprend le principe, il est facile. Hein? Bon. Un bon fruit, un mauvais arbre, mauvais fruit. Ça va automatique. C'est un principe qu'on comprend tout le monde facilement. La question qu'on doit se poser, c'est quoi les fruits? Quels sont les fruits du bon prophète? Quels sont les fruits du mauvais prophète? Parce qu'il dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Et comment est-ce que je peux savoir? Il faudra que je sache quels sont les fruits. Quels sont les fruits du royaume de Dieu? Comment je peux reconnaître un chrétien d'un vrai chrétien, d'un faux chrétien? Comment est-ce que je peux reconnaître une vraie église, une fausse église? Ou quelqu'un qui prêche à la TV? Il prêche, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Il me semble, si je l'écoute un dimanche, il me semble correct. Mais l'autre dimanche, comment est-ce que je fais pour reconnaître le vrai du faux? Et je vous garantis, toutes les épîtres vous parle de cela. Toutes les églises sont pognées avec des faux docteurs et des faux enseignants et des faux prophètes. On est en train d'étudier un Timothée, là. C'est ça qu'il dit, il y en a parmi vous, c'est des faux prophètes. Puis Paul va dire dans les Actes des Apôtres, il va venir parmi vous des loups, des ravisseurs, des faux prophètes qui vont vouloir séduire le troupeau de Dieu et l'éloigner de la vérité. Il y en a dans l'Église des faux prophètes, il y en a dans l'Église des faux docteurs. Comment est-ce que je peux faire pour le reconnaître? Quel est donc le fruit ou les fruits du chrétien? Il va à l'église tous les dimanches. C'est tout ça? Non? Ah. Il lit sa Bible tous les jours, ça, au moins. Là, ça. Il lit sa Bible tous les jours, le vrai chrétien. Il prie. Il donne son offrande, en tout cas, sa dîme, ou son offrande, peu importe ce que vous croyez. C'est quoi les fruits d'un vrai chrétien? Il ne vole jamais. Il ne ment jamais. Ou il ne trompe pas sa femme. Ou il ne divorce jamais. C'est quoi les fruits du chrétien? Comment est-ce que je peux reconnaître ça? L'amour. Il ne juge pas les autres. Si je te suis cette semaine, tu vas-tu juger des gens, tu penses? Je vais dire, il n'est pas chrétien. Pas chrétien, il juge des gens. Si je te suis, toi, Robert, est-ce que je vais voir que tu as toujours de l'amour pour les autres? Je vais dire, pas chrétien. Il n'aime pas ses ennemis. Il n'est pas chrétien, ça. Si vous prenez cette direction-là, il n'y en a pas un de vous qui est chrétien. Moi non plus. Si vous prenez la direction de la performance pour savoir si quelqu'un est chrétien ou pas, vous êtes dans le champ de patates. Moi, je vais vous donner ma façon de reconnaître un vrai chrétien. Il ne parle pas de lui. Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle de Jésus. Il parle de la grâce. À quel point Dieu était bon pour lui. À quel point que Dieu est gracieux dans sa vie. À quel point que Dieu a de la compassion pour lui. À quel point que Dieu est miséricordieux pour lui. C'est ça le chrétien. Il ne parle pas « je ». Il ne parle pas mal. « Je aime quelqu'un. Je fais du bien à ma femme. Je fais ça. » Il ne parle pas de « je ». S'il parle de jeu, il est fait à l'os. Tu peux tout de suite le pointer. Tu le fais pas tout le temps. Vous allez avoir raison, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui est reconnu comme parlant de quelqu'un d'autre. On parle de celui qui est venu nous sauver, celui qui nous a fait du bien, celui qui nous fait encore du bien, celui qui va nous faire du bien. C'est ça, vous allez le reconnaître demain. L'écoutez-le parler. S'il parle de lui, c'est probablement un faux docteur. S'il vous parle de performance, fais ceci, fais pas cela. S'il commence à vous dire, ça, c'est pas un chrétien parce qu'il fait pas ça. Ouais, faites attention. Peut-être que ce n'est pas un, lui non plus. On peut dire que quelqu'un n'est pas un chrétien si la personne dit, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Jésus comme mon sauveur personnel. Vous pourrez dire à ce moment-là, ce n'est pas un chrétien. Mais si il exalte Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel et qu'il est le bénéficiaire de la grâce de Dieu dans sa vie, vous pouvez être probablement certain que c'est un chrétien, peu importe le nom qu'il se donne. Parce que pour faire ça, je vous garantis que ça prend la grâce de Dieu, parce que les chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiens, ne parlent pas ainsi. Ils ne parlent pas ainsi. Ils parlent toujours des autres. Puis quand ils vont arriver au... Selon eux autres, ils vont arriver au ciel, puis ils vont dire, j'ai fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent, j'ai fait ceci. Ils vont parler des autres. Et vous savez que c'est carré, hein? Jésus dit, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Le vrai prophète ou le vrai docteur va vous parler de ce que Jésus a fait pour vous. Je vous l'ai déjà dit, quand j'étais jeune enseignant, j'aimais prêcher aux chrétiens qu'est-ce qu'ils devaient faire et qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire. Aujourd'hui, j'aime prêcher ce que Jésus est en train de faire pour nous, ce que Dieu fait pour nous, ce que Jésus a fait et va faire pour nous. J'aime mieux vous parler de ce que lui fait pour vous que ce que vous, vous faites pour lui. C'est bien différent. Et j'ai commencé à changer, c'est vous qui êtes? Quand Dieu m'a fait réaliser que je ne faisais pas ce que je demandais aux chrétiens de faire. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire ce que j'ai demandé aux chrétiens de faire, j'ai arrêté de prêcher, tout simplement. Je n'étais pas capable. Je me sentais bien trop mal, bien trop hypocrite. Comment est-ce que je peux te demander d'aimer ta femme si j'ai de la misère à aimer la mienne? C'est pas mal. Ça sent pas mal hypocrite de ma part. Mais je peux te parler comment Jésus aime ta femme. Comment Jésus t'aime toi. Et ça va t'aider à aimer ta femme automatiquement. Tu n'as même pas besoin de te dire d'aimer ta femme. Ça va t'aider à aimer ta femme. Juste de savoir que la vérité est, c'est que Jésus aime ta femme. Et qui t'aime toi aussi, de la même façon. Ça va vous aider à vous aimer. Ça va m'aider à vous aimer. C'est tellement différent dans le royaume de Dieu. C'est tellement différent des autres religions. Dans toutes les religions du monde, c'est de la performance. La foi chrétienne, c'est de la performance de quelqu'un d'autre. C'est ce qui est important. La performance de quelqu'un d'autre. Et que le Seigneur puisse nous aider, frères et sœurs, à ne pas juger, parce que dans le fond, on n'est pas meilleur que les autres. Hein? Pas meilleur que les autres. Et à bien faire attention de discerner qui vous parle de Dieu. Est-ce que la personne vous parle de Jésus-Christ et de Dieu, et de son œuvre à la croix, de son œuvre par son deuxième venu sur la terre? Bon, est toujours en train de vous parler de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. S'ils sont toujours en train de parler de performance ou de contre-performance, demandez-vous la question, est-ce que c'est un vrai ou si c'est un faux? Parce que les faux ont tendance à parler d'accomplissement. Ils ont tendance à ramener l'Église sous la loi, sous les règles, sous la performance. C'est ce que Paul dit à Timothée dans son premier épître. Il dit, ils parlent de la loi, mais ils ne comprennent pas la loi. Ils veulent emmener les gens sous la loi, mais ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit une fois, quand les Juifs, dans Acte 15, quand les Juifs ont dit, il faut faire circoncis les inconvertis, les non-Juifs. Il faut les faire circoncis, il faut les faire pratiquer la loi, c'est une chose de la loi. Et Pierre a dit, demandez pas à ces gens-là de faire ce qu'on n'a pas été capable de faire nous-mêmes. Vous voyez comment il était chrétien, là? Ça, c'est un vrai chrétien. Demandez pas à ces gens-là de faire quelque chose qu'on n'est même pas capable de faire nous-mêmes. D'observer la loi. C'est ça qui est important. Et ça, Pierre, je l'aime bien quand il dit ça. C'est un vrai chrétien. Il parle de la grâce de Dieu. L'Église devait être reconnue, non pas comme un « Ah, c'est un petit paradis sur terre quand on va là. » Non, non, non, non. Reconnue comme une gang d'hommes et de femmes qui sont reconnus comme étant des gens qui proclament la grâce de Dieu, qui sont conscients qu'ils ont besoin d'être pardonnés aux autres aussi, qui sont des gens faibles, des gens qui ont des difficultés dans leur vie spirituelle et qu'ils se fient sur quelqu'un d'autre. Moi, il y a des gens, des fois, qui me disent, vous n'êtes pas meilleur que les autres, les chrétiens. Je leur dis, à chaque fois, je leur dis, tu as bien raison. Je dis, non, n'importe quel péché, et je le fais. Une fois, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, mon garçon, la police était chez nous pour mon gars. J'ai dit, mon garçon, il dit, ton père n'est pas meilleur que toi, tu sais. Même en tant que chrétien, la police m'a déjà arrêté sur le bord du chemin aussi. Pas meilleur que toi. Il y a cette différence entre moi et toi, c'est que je suis pardonné. Toi, l'es-tu? C'est la seule différence. Pas meilleur que lui. Pas meilleur que lui. Pas pour ça, il Mais ce qui va faire que je vais être dans la présence de Dieu pour l'éternité, c'est que j'étais pardonné. C'est pas que j'ai réussi à ne pas me faire arrêter par la police. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu as été assez honnête et franc pour nous dire qu'on avait une poutre dans notre œil. Et merci que tu es assez bon et assez miséricordieux pour nous l'enlever, afin qu'on voit la réalité. Afin qu'on puisse voir qui on est un peu plus. Afin qu'on puisse te voir, toi, mieux. Aide-nous, Seigneur Dieu, quand on approche des gens, pour les aider à enlever leur paille dans leurs yeux, qu'on puisse se souvenir qu'on avait une poutre. Qu'on puisse se souvenir qu'on n'est pas meilleur qu'eux. On n'a jamais été, on ne sera jamais meilleur. Mais que si on peut dire que Dieu nous aime, c'est à cause de son Fils Jésus. Aide-nous aussi, Seigneur, à reconnaître les vrais défauts, non pas par leur accomplissement, mais par ce qu'ils comprennent ou pas, par ce qu'ils nous enseignent ou pas, ou de la façon qu'ils parlent de toi ou pas. Ce que tu attends de nous, c'est qu'on puisse proclamer à quel point tu es bon, à quel point tu fais du bien à ceux qui ne le méritent pas. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter le dernier cantique.